Le marché IGA, Denis Cloutier a décidé de fêter en grand la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin avec des spéciaux imbattables. Cuisse de poulet à 99 cents de la livre. La crème glacée de plusieurs marques comme Kit Kat, Rolo et autres à seulement 97 cents. La pizza surgelée Mike's à 5,98 $. Le marché Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril à Normandin. Monsieur Denis Cloutier et tout le personnel souhaite la meilleure des chances aux organisateurs de la classique Jeannie Larouche Family Prix et invite toute la population à participer aux activités. Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Jeannie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. C'est la chronique du baseball de l'actualité. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, il y a plusieurs points d'actualité, évidemment, que je veux te parler. Cette semaine, je pense que c'est Ben Nicholsmith ou Shai Davidi de Sportsnet et Ken Rosenthal également qui ont avancé que John Gibbons ne serait pas de retour avec les Jays de Toronto. C'est pas vraiment surprenant parce que là, il y a une bourrée de jeunes joueurs qui s'en viennent avec les Blue Jays. Puis peut-être que ça va prendre un gérant qui est meilleur avec les jeunes, comment développer et ainsi de suite pour faire avancer ce club-là. Moi, je pense que Gibbons, il aurait dû être viré il y a 2 ans, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, on en a déjà parlé, puis je suis plus ou moins d'accord. Je pense que Gibbons a fait un travail honnête, mais. Par rapport à la vague de jeunes qui s'en vient, je pense que ça va être une bonne décision d'aller du côté d'un autre gérant. Puis, tu sais, quand tu regardes un peu Gibbons, qu'est-ce que les joueurs recherchent maintenant d'un gérant? Puis, quand on regarde ceux qui ont du succès, principalement, surtout dans l'américaine avec le frappeur désigné, il y a deux éléments majeurs. C'est d'être capable de gérer un enclos de relève. Puis, ouais. Gibbons, il y a eu ses hauts et ses bas, mais les 2 années que les Blue Jays ont été en série de championnat, il a quand même fait un travail à ce niveau-là. Puis l'autre chose, c'est d'être capable d'aller chercher ses joueurs vedettes, puis de les motiver, puis de bien les faire jouer. Puis Gibbons, puis on a vu Jose Bautista en parler, on a vu quand la chaîne en parler. Il a été capable de vraiment aller chercher une connexion avec ses vétérans, les joueurs latins également qui l'aimaient beaucoup. Russell Martin en a parlé beaucoup en bien. Fait que quand ce groupe-là est arrivé vraiment pour se préparer pour les séries, puis se rendre jusqu'aux séries, Gibbons était là, puis je pense que pour moi, il a fait un travail, puis à ce moment-là, c'est ça qu'on lui a demandé. Quand tu arrives avec le groupe qui s'en vient là, de tous les jeunes qu'on a, entre autres menés par Vlad Junior, est-ce qu'un gars comme Gibbons, c'est le gérant qui va être capable de développer ces joueurs-là? Je ne sais pas, puis c'est peut-être une équipe, les Blue Jays, qui aura besoin, comme on a vu certains autres clubs, d'un gérant pendant 2-3 ans, un gérant de transition qui arrive du 3 août, tout ça, qui va s'amener vraiment pour continuer le développement des jeunes, et ensuite t'amènes un vétéran, ou bien ils vont peut-être en profiter pour donner la chance à un gérant de première année, et on voit le succès. Hein? On a juste regardé dans la division les Red Sox avec Alex Cora, les Yankees avec Aaron Boone. C'est des gérants, c'est des anciens joueurs qui ont du succès, puis pour moi, réussissent à aller chercher les 2 éléments que je te mentionnais tantôt. Une bonne gestion des lanceurs combinée avec le lien avec les joueurs. À partir de là, dans le baseball de la Ligue américaine, puis en plus que c'est 2 clubs talentueux, on leur demande pas bien plus que ça. Donc, on va surveiller ça de près. J'ai hâte de voir, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Que ça vient de Ken Rosenthal, puis ça vient de Ben Nicholsmith et de Shai Davidi. C'est des gars qui sont sur le beat des Blue Jays et Rosenthal, qui est un des bons insiders du baseball majeur. Donc, il faudra surveiller ça de très près. Puis surveiller également qui va se succéder. Mais ça, on va avoir l'occasion de s'en parler davantage. Bruno, on va parler de Vladimir. Écoute, c'est incroyable. Moi, j'en parlais avec Jacques Lancio tantôt, là. Écoute, je regarde plusieurs matchs des Bisons parce que je suis abonné au forfait NMB Minor League Baseball. Puis, écoute, ce gars-là, là, il ça paraît même pas qu'il a changé de grade. C'est assez incroyable. Puis défensivement cette semaine, écoute, NMB Network a fait une émission spéciale puis, la semaine passée, puis on lui donnait 45 défensivement. 45, c'est vraiment pas fort, là. Et j'ai vu faire quelques beaux jeux en défensive cette semaine également. Donc, écoute, la seule et unique raison pourquoi il n'est pas à Toronto, c'est parce qu'on a une organisation cheap, parce qu'il n'est pas sur la liste des 40 joueurs, puis on veut pas perdre une année d'éligibilité parce qu'il va être joueur autonome plus tôt. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est la seule et unique raison pourquoi il n'est pas à Toronto. Oui, et puis c'est pas le seul qui est dans cette situation-là. Je regarde, entre autres, un jeune espoir du côté des White Sox de Chicago que je suis pas mal, qui est Eloy Jiménez. On dit que c'est le deuxième meilleur frappeur derrière Vlad Junior dans le baseball affilié. Puis lui aussi, là, ça fait à peu près un mois là, qu'il détruit tout ce qui bouge dans le 3A. Puis il est pris là. T'sais, dans le fond, les White Sox ne le rappelleront pas. Ils n'ont pas de besoin de le ramener présentement. Puis on veut s'assurer de garder le plus possible de contrôle sur le joueur. Puis il y a une certaine limite. Autant du côté des White Sox, là, tu regardes leur saison. Écoute, ils sont 41-73. Tu regardes du côté des Blue Jays, c'est un peu mieux à 52-62. Mais c'est deux clubs qui sont loin et qui sont éliminés à toute fin pratique à ce moment-ci. Il n'y a pas de raison particulière à les amener. Oui, si les joueurs dominent dans le 3A, on peut se dire c'est une perte de temps pour eux, mais à un moment donné, comment ce serait un mois de plus ou un mois et demi de plus à ce qui reste à la saison? Est-ce que c'est ce qui va faire une grosse différence versus le contrôle sur les contrats? Moi, je pense que c'est la bonne décision de le laisser là. Ça reste que d'un autre côté, c'est évident que ces deux joueurs-là, et surtout Vlad Junior, sont trop forts pour le 3A. C'est des joueurs qui sont prêts à jouer dans le baseball majeur et c'est des joueurs qui auraient intérêt à jouer dans le baseball majeur. Mais en même temps, si tu regardes une vision plus à long terme, comme les Blue Jays regardent ça, ils se disent, ben, ce gars-là, ça va être notre pierre angulaire de l'équipe. On fait pas trop perdre son temps non plus. Il peut développer sa défensive, comme tu l'as mentionné. On va peut-être le faire jouer un peu partout. Ben juste... puis entre-temps, ben oui, au bâton, c'est peut-être pas assez fort pour se développer encore, mais ça reste quand même un calibre vraiment intéressant pour lui pour continuer. Mais dans le cas de Vlad, Bruno, je pensais qu'on allait le faire jouer dans d'autres positions. Puis il a joué au troisième but encore une fois. Moi, je pensais qu'on allait si on l'habituerait à une autre position, si on fait des expériences avec lui, soit au premier but, soit au champ gauche. Ce serait explicable, tu sais, pourquoi qu'il est encore des mineurs. Mais là, c'est juste, tu sais, ils font même pas ça. C'est ça qui. Ouais, mais. Ouais. Ils disent pas publiquement, puis je pense que ce qui se passe, là, puis on le sait que Josh Donaldson ne sera pas de retour avec les Blue Jays, puis j'ai comme l'impression qu'ils ont décidé qu'il irait jusqu'au bout, au moins pour l'essayer au début, au troisième but. Fait que je pense que l'organisation des Blue Jays, en tout cas, ma perception que ça donne, c'est qu'ils ont décidé qu'ils iraient de l'avant, ils vont l'essayer au troisième but le plus longtemps possible, puis dans leur tête, Vlad Junior va finir comme joueur de troisième but de leur organisation. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ça sera jamais un Matt Chapman avec les A's d'Oakland. Ça sera jamais un Nolan Arenado avec les Rockies du Colorado. Mais ça pourrait être un joueur qui serait suffisamment fiable défensivement pour jouer le troisième coussin. Et c'est peut-être une position aussi qu'on se dit qu'on a peut-être plus de difficultés à combler, alors que des voltigeurs, on serait capable d'aller chercher à gauche puis à droite puis d'aller chercher de la vitesse ou de la profondeur. Peut-être qu'on se dit que le troisième but, c'est plus difficile à combler puis qu'on va aller plus loin avec lui. Moi, c'est la seule raison que je vois, parce qu'effectivement, sinon, je m'aurais attendu à ce qu'il y ait d'autres positions. OK. Bruno, je veux t'entendre sur quelque chose de très intéressant. Je t'ai vu cette semaine intervenir sur Passion Baseball, un très, très beau site sur les médias sociaux. Et tu as mentionné quelque chose quand je suis d'accord. On est pas mal d'accord là-dessus. L'année passée, on faisait la même affaire avec les Indiens de Cleveland parce qu'il y avait 21 victoires consécutives. J'ai dit, ils ont piqué trop de bonheur. Puis c'est dangereux. Et effectivement, c'était dangereux puisqu'ils se sont pas rendus jusqu'à la série mondiale, donc jusqu'à la Terre promise. Et les Red Sox de Boston, écoute, je regardais les statistiques cette semaine sur à Sportsnet puisqu'ils jouaient contre les Blue Jays. Ils se dirigent vers la plus grosse saison de leur histoire actuellement en nombre de victoires. Et actuellement, je suis pas sûr, mais c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, puis on parle même du record là, de la Ligue américaine par 16 victoires des Mariners de Seattle de 2001. Puis ça, c'est une équipe aussi qui avait arrivé dans la série, qui n'avait pas été capable de se rendre jusqu'au bout. On est en train de dire que cette équipe-là n'a pas de talent, ou au contraire, ils n'ont pas eu d'adversité depuis le début de l'année. Puis c'est peut-être ça qui est le problème un peu. Les gens répondaient beaucoup à mon commentaire en disant « ben ils dominent ou ils piquent depuis le début de la saison, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter ». Moi, je vois pas ça du même œil. Il y a toujours un moment dans une saison où tu dois faire face à l'adversité, voir comment ton club réagit. Puis, tu sais, ils n'ont pas eu de séquence de plus que 3 défaites, je pense, depuis le mois d'avril. C'est vraiment une équipe qui joue du très bon baseball. Puis, c'est un peu ça qui est un peu stressant pour eux. Je dis pas qu'ils gagneront pas le championnat. Je pense que la série de 4 victoires l'autre jour contre les Yankees, ils ont pas mal fermé le débat à ce niveau-là. Ils peuvent même se permettre, entre autres, Chris Sale a été blessé. Ils peuvent se permettre de reposer certains joueurs. C'est correct. Mais est-ce que cette équipe-là qui a maintenu un aussi gros rythme toute la saison est capable de faire ça pendant tout le mois d'août, le mois de septembre, puis rentrer puis faire le mois d'octobre au complet? C'est quelque chose qu'on a rarement vu. Donc, je dis pas que c'est une équipe qui ne le fera pas, mais ça leur ferait peut-être pas tort d'avoir une séquence difficile. Tu sais, une espèce de 3 victoires en 10 matchs, quelque chose pour les ramener un peu les pieds sur terre, voir comment ils vont réagir là-dedans. Peut-être être chauffé même un petit peu par les Yankees qui, eux, pourraient peut-être avoir une bonne séquence en même temps. Ça ne fera jamais de tort pour eux parce que s'ils continuent comme ça avec l'avance qu'ils ont puis qu'ils continuent à continuer à accumuler les victoires, puis que là, ils ont 8 matchs d'avance, puis tu te ramasses en septembre, puis ils ont 10, 11 matchs, puis finalement, ils ne sont jamais vraiment menacés. C'est quand on va arriver dans une série, tu sais. Puis l'autre chose aussi que je voyais, c'est la semaine passée, quand il y a eu le balayage de 4 matchs contre les Yankees, faut pas trop s'emballer, parce que si les Yankees finissent meilleur deuxième, puis qu'ils réussissent à gagner le match, soit contre Oakland ou peu importe qui va se présenter là, dans une série de division 3-5 Yankees-Red Sox, ce serait une première série entre les deux équipes en plus de 10 ans, même 15 ans même. Il va y avoir de la pression, il va y avoir du stress, puis c'est sûr que c'est les Red Sox qui vont partir comme grand favori, puis c'est peut-être pas la chose que tu veux dans une série aussi médiatisée. Non, donc, voilà. Dans les deux cas, présentement, ça leur ferait peut-être juste pas tard d'avoir un peu d'adversité. C'était là la nature du commentaire, puis j'ai trouvé ça bien intéressant de voir les partisans défendre en disant « Non, non, non, on continue, puis on la pédale au fond jusqu'au fond. » Ça fait penser un peu à partisans des Patriots. Là, on fait un match 40-10, c'est pas grave, on va se rendre à 60, puis on gagne la semaine prochaine, puis on gagne toutes les semaines. Ben toutes les saisons que les Patriots se sont rendus à beaucoup, beaucoup de victoires, souvent ils ont été capables d'aller jusqu'au bout, puis c'est un peu la nature de mon commentaire par rapport à ça. Effectivement, donc là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec toi. Autre point d'actualité très intéressant, c'est Jason Worth cette semaine. Jason Worth qui a déclaré dans un podcast dans une station de Philadelphie que lui, les statistiques avancées changeaient le baseball. Et dénaturer le baseball. Et je suis d'accord avec lui, moi, dans un certain point, parce que, écoute, je sais pas quel âge que t'as, Bruno, c'est sûr que la Ligue nationale, la Ligue américaine est moins stratégique que la Ligue nationale. Mais dans les années 80-90, quand je commençais à écouter le baseball, il y avait les Cards de Saint-Louis avec Whitey Herzog, Vince Coleman, Ozzie Smith, Willie McGee's Expo avec Reigns, Nixon, Adler, Grissom également. Il y avait des buts volés, il y avait des frappes échos, il y avait des coups filés, il y avait tout ça. Puis on en a moins, beaucoup moins dans la Ligue nationale. C'est vrai que je suis plus à la Ligue américaine en raison des Blue Jays, des Red Sox. Mais Jason Worth t'as pas tort quand il dit ça. Puis les statistiques avancées, donc oui, c'est bon. Puis à quelque part, on est dans l'ère de Moneyball. C'est pas pour rien, là. Mais Worth t'as pas tort. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Ben, tu sais, je vois ça des deux côtés, puis en parallèle à ça, je lisais un article intéressant ce matin sur Albert Pujols, hein, qui disait ouais. aussi que c'est un des plus pénalisés là, par le fameux shift. Là. Lui, il est persuadé là, que sa moyenne, qui était autour de 250, serait plus à 290 si il était encore capable de frapper des balles d'aplomb au milieu d'avant-champ, puis c'était pas capté par des joueurs qui seraient à côté de la position. Puis dans le cas de Words, ce qu'il disait, c'est que ben même les statisticiens, ce qu'ils disent aux gens, c'est ben frapper des circuits. Il y a même des gens, des organisations qui font dire, ben moi, je vais me pratiquer, je vais frapper la balle au champ opposé. Puis ce qu'on leur dit, c'est non, qu'on frapper des circuits, c'est comme ça. Frapper des circuits, puis c'est pas grave si vous faites retirer au bâton. Puis Pujols, autant que Jason Worth, les deux, ce qu'ils disent, ben ça n'a pas de bon sens, le retour au bâton. Puis même Pujols, que j'ai jamais eu plus que 100 retours au bâton, dit la même chose. Moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à jouer au baseball. Fait qu'il y a vraiment comme un clash qui se fait. Puis Worth, il représente vraiment là, la vieille qui faisait des colis. Qui jouait fort dans le champ. Donc, c'est un joueur qui jouait de cette façon-là. Puis il y a de moins en moins de place pour ces joueurs-là. Puis il a exprimé son opinion en désaccord par rapport à ça. Puis l'autre point que moi, je trouve bien intéressant tantôt, c'est juste sur l'aspect aussi stratégique de la chose. Tu sais, avant, t'as des gars qui leur donnaient la chance d'avoir des buts volés. Ils essayaient de faire leur but volé. Maintenant, on leur dit, ben allez-y pas parce que statistiquement, le receveur te retire 38,6% du temps puis ça va nous coûter 2 points dans toute la saison. Mais la réalité derrière ça, c'est que est-ce que ça change réellement quelque chose? Puis l'autre élément, c'est que si toutes les équipes font ça, comment tu fais pour différencier après ça? T'sais, moi, je vois que de plus en plus, les équipes sont toutes construites de la même façon. Là. Puis c'est un peu ce que Worth reproche aussi, c'est que ça devient beaucoup moins... Tu sais, avant, tu le mentionnais, tu avais des équipes rapides, tu avais des équipes de puissance, tu avais des équipes de lanceurs. Maintenant, tu as des équipes qui sont pas mal toutes construites de la même façon. On a des gars qui frappent des circuits, on a des gars qui... des lanceurs partants qui vont lancer 4-5 marches, puis on a des releveurs après. Fait qu'on se construit beaucoup plus de cette façon-là. Puis ça fait que c'est un peu moins spectaculaire, effectivement. Moi, je le trouve aussi, je suis un peu d'accord avec ce que tu disais. Ça fait un baseball qui est un petit peu plus dénaturé, à mon sens. C'est sûr que la Ligue américaine, avec le frappeur de choix, ça change la donne. Mais la Ligue nationale, les matchs que j'ai vus, il y a beaucoup moins de batailles. Tant qu'à voir les statistiques, t'as plus de Vince Coleman, t'as plus de Marquise Grissom, t'as plus de Tim Raines, t'as plus des gars qui vont aller voler 100 buts. Aujourd'hui, quand tu vois 60 buts, c'est extraordinaire aujourd'hui. Mais dans le temps de Vince Coleman, Lou Brock également, Lonnie Smith, c'était des gars rapides. Puis c'est sûr que le stade Bush, dans le temps, c'était un stade que la balle ne voyageait pas. Donc c'est un stade de double. Et c'est pas pour rien également qu'on y allait avec une équipe rapide. Mais quand même, tu sais, je trouve ça dommage un peu. Le squeeze, comment on voit ça de moins en moins, le squeeze, là. Oui, puis on leur donne pas le feu vert non plus. Tu sais, les joueurs, il y en a qui seraient capables de les voler ces buts-là. Moi, quand je vois à Osé Altuve, qui est joueur par excellence, peut être capable de voler 50 buts, il pourrait voler 80 buts, Osé Altuve avec 200 coups sûrs par année. Si on l'envoie tous les Moi, je me souviens d'Ichiro. Quand Ichiro est arrivé, Ichiro, il volait partout. À un moment donné, les Mariners, ils ont dit, calme-toi un petit peu sur le vol de but parce que tu te fais pincer trop souvent à notre goût. Mais en réalité, un gars comme Ichiro pourrait arriver, frapper 250 coups sûrs, puis il serait capable de voler 60-80 buts. Il aurait voulu facilement avec ce nombre de présences sur les buts. Donc, on a viré un petit peu la façon avec laquelle on valorise le but sur balle ou la vitesse. Puis, je pense que ça va se replacer. C'est des cycles. Il y a des choses qui vont venir là-dedans. Mais c'est certain que je trouve que ça fait que tu as beaucoup plus de clubs qui sont bâtis de la même façon parce que la statistique enligne tout vers la même direction. Prends comme l'OPS, il y a 15 ans. On n'entendait pas parler de ça. Ouais. Tu sais, c'est une statistique qu'on n'entendait pas parler non plus, ça. Oui, puis tu sais, je te dirais en conclusion sur le point, là, Albert Pujols le disait très très bien, j'entends des gars qui ont jamais joué au baseball qui me disent que les points produits, ça vaut rien. Puis moi, j'ai beaucoup fait un virage analytique, puis là, je reviens un peu vers le traditionnel, parce que lui, son point, c'est de se dire, ben comment tu fais des points si t'es pouce pendant? T'sais, lui, dans le fond, il a, fait que c'est cette vieille approche-là qui reste encore un petit peu, mais c'est sûr que le côté mathématique a vraiment pris l'emphase, puis après ça, ben c'est le jeu qui est dénaturé, parce que c'est l'humain qui est derrière le jeu. Puis je pense que leur point est bon. En même temps, c'est toujours une question d'équilibre. Les équipes qui vont pousser trop loin dans l'analytique, je pense non plus qu'ils ne gagnent pas. Puis Billy Bean, moi j'aime beaucoup les A's, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais rien gagné avec cette formule-là. Malgré qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, ils ne gagnent pas pareil. Oui, effectivement. Pour nous, on s'en reparle dans 15 jours, toujours intéressant. La semaine prochaine, ça devrait être Mark Griffin. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Dan. Le spécialiste Bruno Boudreau.